podcast France Culture. Je suis en retard, pas le temps de me laver les dents. J'ai un rendez-vous important en plus. Heureusement, il y a Manteau Fraîche. Manteau Fraîche, mon partenaire fraîcheur. Ces microbilles aux agents actifs me donnent une haleine fraîche, fraîche, fraîche, tout au long de la journée. Avec Manteau Fraîche, c'est dans la poche. Merci Manteau Fraîche. Manteau Fraîche, Manteau Fraîche. La préhistoire du futur, de Benjamin Habitant. Saison 5. Épisode 5, la fin de la civilisation. Il y a bien longtemps, en 2022, la publicité prenait une place considérable dans la vie de tous les jours. Bien sûr, Madame Intel, vous avez droit au RSA. Ah bon? Qu'est-ce que je dois faire? Rien, juste remplir ce formulaire. D'accord. Et regardez ce spot de 45 secondes. Vos proches vous aiment, mais ils n'aiment pas votre haleine. Et oui, ça arrive. Une solution, Manteau Fraîche. Peu après, on vit apparaître les premiers longs-métrages publicitaires. Depuis longtemps, les obstacles s'accumulaient dans sa vie. Je regrette, nous ne pouvons pas vous accorder de prêt. Pourquoi ? Vos garanties ne seront pas suffisantes. Mais il n'avait jamais compris pourquoi. Paul, écoute, je crois qu'il vaut mieux qu'on reste amis. Ouais, pourquoi ? Ce qu'on a est trop précieux, je veux pas le perdre. Jusqu'à ce qu'un jour il découvre la vérité. Écoute, Paul, il faut bien que quelqu'un te le dise. Après tout, tu n'as pas une très bonne haleine, en fait. Ah, c'était donc ça. Oui. Ça dépend des périodes, mais là, ça fait un moment que c'est compliqué. Mais je comprends pas. Je me brosse les dents après chaque repas. Je sais, mais la mauvaise haleine, ça peut dépendre de tellement de facteurs. Une sécheresse de la bouche, un problème endocrinien... Oh, quelle injustice, Jacques. Je sais. Heureusement, il n'était pas seul. Lucie ? Lucie, c'est toi ? Paul ? Mais... Lucie, tu travailles toujours pour un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans la santé bucco-dentaire. Paul, cela fait si longtemps. Et pourtant, c'est comme si je venais de te quitter. Je vais mobiliser les équipes de Manteau Fraîche et trouver une solution pour régler une fois pour toutes ton problème et celui de toutes les personnes qui partagent ta situation. J'ai si souvent pensé à toi, Lucie. Paul ? Ça t'embête si j'ouvre la fenêtre 2 secondes? Non, non, vas-y. Même cette bande-annonce serait trop longue à écouter en entier. La première publicité de 2h20 pour les chewing-gums Manteau Fraîche. Fut nominée 6 fois aux Oscars. Et remporta le prix du jury au Festival de Cannes. Manteau Fraîche, le film. D'après la série Manteau Fraîche. 5e saison disponible demain sur Netflix. Mais tout ça n'était encore rien en comparaison des rêves publicitaires choisis en fonction de nos recherches Google et injectés dans nos cerveaux via la 7G. Ça va? Fais une drôle de tête ce matin? Ouais, ça va. T'as pas utilisé mon ordi, toi, récemment? Bon, c'est possible. T'as pas fait des recherches sur des poupées gonflables à l'effigie des princesses Disney, par hasard? C'est possible, mais c'était ironique. Ouais. Mais je veux bien que tu le fasses sur ta session la prochaine fois. Peu après, mais pour de toute autre raison, semblait-il... La civilisation industrielle s'effondra. Comment faire désormais? Pourquoi? Pour tout. C'était vraiment comme dans les films. Avec les nuages toxiques, les bandes de pillards cannibales. Les chiens errants. Bien sûr, on manquait de nourriture. De médicaments. De carburant. Mais avant tout, on manquait de motivation. Allez, habille-toi. J'ai la flemme de sortir. Il nous reste un demi-écureuil à 5 pour le repas de ce soir. Il faut vraiment qu'on aille à la chasse. Ouais, je sais pas comment dire. J'ai pas la motive. Cette flemme, ce n'était pas un sentiment nouveau. C'était au contraire quelque chose qu'on connaissait bien. Mais habituellement, on y répondait en regardant des séries télé. Et comme désormais, il n'y avait plus de télé. On ne savait pas trop quoi faire pour égayer nos longues soirées irradiées. On joue à la bonne paye? Il manque des pièces, je crois. Je les ai remplacées par des ossements blanchis. J'ai pas la motive. Mais tous nos efforts pour revenir aux distractions de l'ancien temps étaient vains. Si on cardait de la laine? J'ai pas la motive. Si on ravaudait des filets? J'ai pas la motive. Si on jouait du tambourin en chantant des belles chansons d'autrefois? Je me rappelle aucune chanson à part EO du groupe Nantais Tragédie, en 2003. Ah mince, je sens toute ma motive qui est en train de partir. Est-ce que tu m'entends, EO? Est-ce que tu me sens, EO? Non, ça y est, stop, j'ai plus rien. C'est alors que la caravane à streaming analogique, communément surnommée la roulotte Netflix, fit son apparition. C'était une troupe de comédiens itinérants qui installaient des tréteaux dans les villages et rejouaient les séries télé. Oyez, braves gens de ce campement! Ce soir, après le coucher du soleil, l'agence Tourisque, saison 4, épisode 12. Des pirates de l'air s'emparent d'un 747 et réclament 5 millions de dollars. L'amiral Herzog fait alors appel à Hannibal qui monte dans l'avion avec Futé, tandis que Looping et Barracuda s'introduisent dans la soute à bagarre. Par ici, Barracuda. J'arrive tout de suite. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, bravo Jean. Voulez-vous activer la lecture automatique de l'épisode suivant? Oui. La plupart des films et des séries étaient reconstitués d'après les souvenirs des acteurs. Ou dans de rares cas. À partir de résumés trouvés dans des magazines. Souvent, on était obligé d'inventer pour combler certaines lacunes. En colocation dans un appartement new-yorkais, Chandler et Scully enquêtent sur des phénomènes inexpliqués, tout en explorant les ambiguïtés de leur relation. Applaudissez X-Friends. Scully, j'ai reçu les résultats d'analyse des gars du labo. Il y a un problème avec la taille de notre appartement. Il devrait être 4 fois plus petit. Ce qui veut dire que... Toute notre vie n'est qu'une énorme simulation, oui. Et c'est exactement ce que mon ex n'arrêtait pas de me dire. Ou alors on transformait simplement les histoires pour mieux coller au goût de l'époque. Écoute-moi, Chandler. Si tu prends la pilule rouge, tu découvriras le monde tel qu'il est vraiment. Si tu prends la pilule bleue, tu retrouveras le monde factice que tu connaissais autrefois et tu oublieras tout ce qui s'est passé. La pilule bleue ! Puis-je avoir un verre d'eau ? Merci. Gloops ! Ah, quel rêve étrange ! Heureusement, je suis tranquillement chez moi, dans mon appartement new-yorkais de 160 mètres carrés, et tout est normal. Si j'allumais la télé pour regarder une série, clic, tiens, l'agence Tourisque. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Plus tard, les comédiens de la roulotte ayant épuisé les résumés de tous les télés 7 jours qui avaient survécu à la catastrophe, ils faisaient de plus en plus de commentaires méta pour remplacer les épisodes qu'ils ne connaissaient plus. Jusqu'au jour où ils ne racontèrent plus que les aventures d'une troupe de comédiens itinérants dans un monde post-apocalyptique. La fin du monde ! C'est la fin du monde ! C'est méta. Tout à fait. Je n'ai pas la motive. Ah, moi non plus ! C'est vraiment ça ? Oui. Alors les historiens comprirent que toutes les fictions de l'Antiquité étaient en fait les restes de séries télé produites par des civilisations disparues. Édipe à colonne de Sophocle est un préquel d'Antigone. Hélène est clairement en reboot des Troyennes. Iphigénie en Tauride est un spin-off de l'Iliade. Oreste d'Euripide est un séquel d'Électre. Ce même Euripide dont Aristophane a fait un biopic non autorisé. Les Thesmophories, et dont l'Andromaque, n'est autre qu'un crossover de Philoctète et de l'Électre de Sophocle. Celui-là même dont Euripide a signé un remake, qui n'est autre qu'un reboot de l'Orestie. Et tout ça a été probablement diffusé sur le réseau audiovisuel public de l'Atlantide, et binge-watché par des milliers de Grecs jusqu'à ce que leur civilisation s'effondre, exactement comme la nôtre. C'était méta. C'est méta. Tout à fait. Ayant compris ça, on fut assez surexcité. Comprendre que nos fictions étaient les classiques du futur nous motiva à les améliorer. J'ai enfin la motive. Moi aussi, un peu. On essayait de vivre de manière grandiose. Avec des colonnes et des chapiteaux. Des guerres puniques et des sacrifices humains. Ça donnait des résultats inégaux. Ce serait trop long à raconter. Il faudrait faire le long métrage de la préhistoire du futur. Et personne n'a vraiment la motive. Et puis soudain, il s'avéra que ce qu'on avait pris pour la fin de la civilisation était en fait une campagne publicitaire immersive de très grande ampleur pour nous faire réaliser à quel point on aimait le confort. Viens voir. Regarde par la fenêtre. Ça alors ? Le Monoprix à Rouvert, mais... Bonjour, ne vous inquiétez pas, je vous parle directement dans votre tête grâce à la 7G. La 7G, mais... Ces 6 derniers mois, vous avez peut-être remarqué des changements dans votre vie quotidienne. La civilisation industrielle s'est effondrée du jour au lendemain, et sans doute que Manteau Fraîche vous a manqué. Heureusement, sachez que tout ça n'était qu'une simulation. Mais si on ne fait pas attention, cela pourrait bien devenir réel un jour. Alors n'oubliez pas de fermer le robinet quand vous vous lavez les dents. Manteau Fraîche. Depuis, on reconstruit tout. En sifflotant d'anciennes mélopées venues du fond des âges, que par un mystérieux atavisme nos lèvres connaissent. Mais peu nous importe, à vrai dire, que ces mélopées viennent vraiment du fond des âges. Car toute cette aventure, aussi traumatisante qu'elle ait pu être, nous aura au moins servi à comprendre ça. Le temps n'est pas linéaire. L'expérience n'a rien d'une tour. Nous bâtissons sur des ruines. Nos monoprix seront leurs acropoles. Tout est culture. Nous sommes en paix avec cette idée aujourd'hui. Pas le temps de me laver les dents. Pas le temps de me laver les dents. La préhistoire du futur de Benjamin Habitant. Avec Camille Rutherford, Lise Marie, Maxime Nicolaïchak, Catherine Hirsch, Jean-Baptiste Verquin, Damien Zanoli, Martine Chambacher, Patrick Lemont, Marina Cap, Julien Boigny, Daniel Kinsberg, Aude Rouanet et la participation de Clémence Bûcher. Composition et direction musicale, Yanis Plastiras. Chant, Louis Fudim, Martin Gaël, Fabrice Foison, Nicolas Eslo, Maxime Sahu et Laurence Poudreau. Analyse rétrohistorique, Sébastien Disney. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Bruitage, Sophie Bissante. Prise de son, montage et mixage, Pierrick Charles et Élise Leu. Assistante à la réalisation, Manon Dubus. Réalisation, Benjamin Habitant.